L'association d'amitié slovénie-coréenne a adressé le 15 une lettre à l'ambassade américaine dans son pays en signe de protestation aux manœuvres militaires américaines sud-coréennes. Tout en affirmant que ce simulacre de guerre est destiné à la première frappe contre la République populaire démocratique de Corée, elle exige des États-Unis d'abandonner la politique d'hostilité envers la Corée et de s'en aller de la péninsule coréenne.